Vous prenez pas le même? Et ouais, peut-être qu'il soit bien écrit en gros pour qu'on puisse lire. Parce que, c'est bien que les copines puissent lire, parce que vous, là, vous avez l'habitude de vous inscrire par votre vrai prénom. Voilà. Donc, voilà. On a fait des petites règles, voilà. La liste est, vous voyez, il y a des points qui sont vides, donc c'est-à-dire qu'on peut en rajouter des règles si vous voulez en rajouter. Donc la thématique, on a dû vous l'expliquer, c'est être adolescente en 2021-2022. Donc nous, la première règle qu'on avait mis la dernière fois, c'était je ne suis obligé de rien, ni dire ce que j'ai pas envie de dire, voilà, ni entendre ce que je ne souhaite pas entendre. Donc on peut se taire, on peut sortir, s'il y a un sujet qui ne plaît pas, on peut sortir. Et on peut aussi demander à couper le micro. Hein? On peut se faire un petit signe comme ça, je ne sais pas si vous voulez, voilà, un truc comme ça, si vous voulez qu'on coupe le micro, ça peut être possible. Donc je ne donne ni mon nom, ni celui des autres. Donc vous avez, c'est pour ça que... Donc Mélissa... Mélina Rasmus. Pardon, Mélina... Et toi? Inaya. Asma. Toi, c'est que tout petit, j'arrive pas à lire. Asma. Moi, c'est Basma. Asma et Basma. C'est trop bon. Noël. Ah, merci, Noël. Toi, c'est Asma, quoi Basma. Noël. Noël. Okay. Noël. Je peux appeler Amel. C'est mon frère, c'est un frère. Là, on est quand même nombreux, mine de rien. Donc, il y a un truc qui va être primordial, c'est on va essayer, dans la mesure du possible, de ne pas faire de bruit quand quelqu'un parle, pour ne pas parasiter le micro. On entend tous les petits bruits. Vous avez vu, c'est du bon matériel, et le moins de petits bruits quand on bouge sur la chaise, tout s'entend. Quoi. Donc pour que ça donne un meilleur résultat, il faut essayer de ne pas faire trop de bruit. Donc du coup, après, on avait marqué « je parle de mon vécu, de mes émotions, et on respecte la parole de l'autre, bien sûr. Je peux demander un autre temps d'enregistrement seul, si par exemple, dire « j'ai pas tout dit, j'aimerais bien raconter des choses, mais pas devant tout le monde ». Une autre fois toute seule, quoi, c'est possible. Et puis, je peux ajouter des règles. Voilà. Donc, si vous avez des idées de règles à rajouter, il y a des choses que c'est possible. Voilà. Et on se met d'accord en gros. Ok. Alors, ça vous va toutes ces règles? Oui. Il y a quelque chose qu'on a oublié? Non. Alors, on va faire un premier petit échauffement avec un petit test micro. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est de me faire une petite phrase, vite fait, avec chacune votre tour, avec prénom, celui qui est sur l'étiquette, l'âge, votre âge, et pourquoi vous êtes là ce soir. Ah, on n'a pas les points là ce soir. Et je pense que je vais changer de micro très vite parce que ça a l'air de... Est-ce qu'il y en a une qui a envie de commencer? J'ai juste besoin de vous entendre chacune votre tour pour vérifier le micro s'il prend bien le... Je m'appelle Basma, j'ai 14 ans et je suis ici pour parler d'un sujet, qu'est-ce qu'être adolescent en 2020-2021. Prenez votre temps, il n'y a pas de soucis. Oui, tu veux que je... Oui. On dit tous la même phrase? Ah non, tu dis ce que tu veux, toi. Ok. Okay. Bonjour, je m'appelle Nawel, j'ai 15 ans et je suis là ce soir pour vous parler de... Qu'est-ce... Pardon. Qu'est-ce qu'être une adolescente en 2022, pardon. Merci. À moi. Bonjour, je m'appelle Inaya, j'ai 14 ans et ce soir, je suis là pour répondre à vos questions. Merci. Je m'appelle Asma et j'ai 14 ans. Je suis ici pour parler... de qu'est-ce que c'est d'être adolescente en 2021-2022. Bonjour, je m'appelle Mélina et je suis là aujourd'hui pour répondre à vos questions. T'as quel âge? J'ai 14 ans. Ça marche, merci. Ça a l'air pas trop mal. Par contre, pour moi, c'est ça. Du coup, je sais pas quoi dire quand même. Ouais, mais ça, tu vas voir, ça a fait ça à toutes les enfants qu'on a, toutes les adolescentes qu'on a interrogées. 5 minutes, 10 minutes, après ça se, on se détend après. T'inquiète pas. Vous aurez le temps de vous détendre. Voilà. Alors, c'est des chaises qui sont sympas, mais qui font un peu du bruit quand on bouge. Alors, voilà, ça va être compliqué, mais il faut essayer de ne pas trop faire de bruit. Et puis, pareil avec les stylos, ou des fois les ongles, ou des fois, je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on a. Voilà. Et alors, ce qu'on vous propose, si ça vous convient, c'est qu'on a des petits papiers. Et vous pouvez écrire chacune sur des petits papiers des thèmes, des sujets, des idées de qu'est-ce que c'est l'adolescence ou votre vie tous les jours, des choses qui vous concernent. Et puis après, on les tire dans une petite corbeille. Chacun son tour et tout le monde peut réagir. Si on n'a pas envie, on ne réagit pas. Si on a envie, on dit quelque chose. Chacun son tour. Ok ? Alors, je vous en donne chacune une petite pile. Sans trop réfléchir, comme ça, digne, si on vous dit adolescente, à quoi vous pensez directement dans votre tête ? Voilà. Oui. On fait des phrases ou... Non, juste un mot. Un mot, thématique. Pas de stylo ? Attends, bah, tiens, prends. Après, si t'as plusieurs idées différentes. Après, ça peut être en une phrase, hein, si ça se dit pas en un mot. Ça peut être une question, ça se trouve, pourquoi pas. Oui, je peux prendre la liste. Chaïla. Tu peux prendre plusieurs papiers, hein, si t'as besoin de, si t'as des idées ou d'autres envies. Vous vous connaissez toutes ? Oui. Bien. Oui. Si vous avez fini, je vous bon. Invite à poser vos stylos, comme ça il n'y aura pas de étiquette. T'as fini ? C'est oui, sûr t'as ouais, fini ouais. Non, c'est bon. Ok, est-ce qu'il y en a une qui a envie de tirer dans le petit t-shirt ? Amusement. De manière très, voilà, j'allais dire audiblement pour le... Amusement. Alors, bah, tu peux réagir tout de suite, ou alors si quelqu'un d'autre veut réagir. On peut poser des questions, pourquoi je peux réagir ? Oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est la période où on a plus de liberté de quand on était petit. On sort plus avec nos copines comme on veut. C'est pour ça que c'est écrit amusement. Bah, moi, je pense que amusement, parce que on peut se permettre de sortir comme on veut, on profite plus on se rend plus compte de ce qu'on a, de ce qu'on fait. Voilà. Il y a aussi une bonne ambiance quand on est ensemble. N'hésitez pas à donner des exemples. Qu'est-ce qui vous amuse, par exemple? C'est quoi vos amusements, Quand on fait des sorties ensemble, la plupart du temps. Vous sortez faire quoi? Ça dépend, parce que quelquefois on fait des petits voyages, pas des voyages, mais on part comme à Lyon, des sorties à Lyon. On fait de la patinoire, oui, voilà. À la patinoire. On mange dehors. On rigole, on discute. On va au cinéma aussi. S'il n'y a plus rien à dire, n'hésite pas, on peut y aller, on peut changer de papier. Allez. Problème. Il y a beaucoup d'histoires. Comme par exemple, quelquefois il y a Mélina ou Shaima qui sort. Attends, on l'a refait. On n'a rien entendu. Je vais mettre une. C'est pas grave, t'as dit Mélina, mais je peux pas dire Shaima. Alors, c'est surtout Mélina. Donc, Asma, t'es prête? Oui. Tu refais ta phrase du début, tu disais qu'il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce que quand Nawel et Mélina sortent ensemble sans prévenir Basma. Et Inaya, il y a des problèmes, donc ça commence à... Ouais, voilà, de la jalousie. Et donc, ils se disputent. Voilà. Et, Après, c'est pas que des problèmes entre copines, hein. À l'école et tout, il y a beaucoup de problèmes aussi. Comme le harcèlement avec les personnes. Et le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Ouais. Qui veut bien m'en parler? Ouais, vas-y. Sur les réseaux sociaux, y a beaucoup de cyberharcèlement, surtout quand par exemple on est dans un collège ou on est quelqu'un de collège ou lycée et qu'on est quelqu'un d'assez discret ou quoi. Et certaines personnes vont penser qu'on a directement des trucs à cacher alors que non. Donc ils vont aller fouiller sur les réseaux sociaux, retrouver nos comptes, que ce soit Snapchat, Instagram, TikTok ou Twitter. Et ils vont s'en servir contre ces personnes. Souvent, le cyberharcèlement, il tourne autour de personnes qui sont, on va dire, faibles, mais sans plus. Elles sont faibles, mais sans... Enfin, faibles, c'est pour les qualifier, parce que les gens pensent qu'ils sont faibles, mais c'est juste des personnes qui n'osent pas parler du sujet. Personnellement, ça n'a jamais touché une d'entre nous, mais des gens qui sont autour de nous, oui. Et ils n'osent pas en parler avant longtemps. Et puisque ça touche aux réseaux sociaux, les preuves, elles sont faciles à effacer, alors que quand c'est quelque chose qui se passe en réalité, y a des témoins, etc. Est-ce qu'il y aurait des conseils à donner, par exemple? Oui, en parler. Il faut en parler. Avoir des preuves, toujours faire des screens. Faut pas garder ça pour soi, faut en parler à ses copines, à sa famille, même à des inconnus. Certes, des fois, dans certaines circonstances, les inconnus, par exemple au collège, lycée, la CPE ou les surveillants, ils agissent pas. Des personnes en qui on a confiance. Et voilà. Mais c'est vrai, au collège, ils banalisent trop ça. Enfin, ils réagissent pas, enfin voilà. Est-ce que toi, tu as une idée de qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le collège? Par exemple. Prendre ça plus au sérieux. Enfin, contacter les parents, en parler avec la personne qui subit ça. Ça peut aller super loin. Dans notre collège, il y a déjà eu des tentatives de suicide, plein de trucs qui mettent la vie en danger, juste à cause du cyberharcèlement. Aussi, ils doivent être plus vigilants sur ce qui se propage, parce qu'une rumeur, c'est facile à lancer sur une personne. Nous, personnellement, il y a beaucoup de rumeurs qui se sont lancées sur des gens qu'on ne connaît même pas. Et en même pas 2 heures, par exemple, on arrive à 8 heures. À 8 heures, ça commence à en parler. À 10 heures, c'est aux oreilles de tout le monde. Il y a tout le monde qui est au courant que cette personne, il y a ça. Sauf qu'ils prennent trop à la légère le sujet. Souvent, ça peut être faux, juste parce que les garçons, par exemple, ils inventent des rumeurs sur une fille ou quoi. Et ils la font tourner, ensuite ça lui fait une réputation. Ce serait quoi par exemple comme rumeur ? Il y en a eu plein, des trucs. Elle a pas voulu sortir avec moi. Donc c'est une. Elle a pas voulu m'ajouter sur les réseaux, donc ils vont l'insulter. Ils vont dire que parce qu'elle a quitté, par exemple, son mec, ils vont dire que c'est une... voilà, et ils vont dire beaucoup de choses, alors que des fois, il y en a plein dans notre collège, parce qu'elles n'ont plus voulu sortir avec certains mecs ou quoi, ça leur a fait des réputations, et ça peut aller vraiment loin, ça retourne vraiment même... aux oreilles de personnes qui sont à l'extérieur et à des personnes des fois qui sont vraiment plus grandes, qui sont même plus au collège, lycée, qui sont à l'université, qui travaillent, ça revient aux frères et sœurs, cousins, cousines, il y a beaucoup de... ça peut aller loin, les gens ils se rendent pas compte de ce que ça peut causer. Alors, le mot que vous avez pas dit c'est pute, on est d'accord ? Oui. Oui. Okay. Qu'est-ce que ça fait quand on a la réputation d'être une pute ? Ça fait mal. On est mal à l'aise dans la rue. Il y a des filles qui tombent en dépression à cause de ça. Ouais. Mais en vrai, c'est pas qu'au collège, hein, dehors aussi. Oui, dehors, par exemple, ça remonte aux oreilles extérieures du collège. Dehors, on marche, par exemple, nous, ça nous arrive pas, mais il y a des filles, dehors, elles marchent et derrière, elles entendent des gars les insulter, crier, du coup, le mot. Et plein de trucs comme ça. Mais même les agressions dehors, quand tu veux pas donner ton snap ou quelque chose, ça va t'insulter pour rien. Ouais. Comment on peut se protéger, soi ? Se protéger du moment ou de tout ? Que ça nous arrive pas. Vous dites que ça ne nous arrive pas, alors vous faites comment ? Mais nous, franchement, je pense. En fait, c'est surtout parce que nous, on a, en fait, avec ces gars-là, surtout c'est qu'on avait grandi avec eux et que ils ont changé. C'est que aussi, moi, je pense que dans certaines situations, nous, on n'est pas. Enfin, on ne traîne pas trop avec ces gars-là, malgré qu'on ait grandi avec eux. Il y en a plein qu'on ne connaît pas. Et pour autant, ils vont pas nous insulter ou quoi. Après, ça, on le sait pas. Peut-être derrière notre dos, on n'est pas au courant. Ils doivent parler sur nous. Mais je pense que c'est pas forcément à nous de se protéger. C'est surtout à eux de faire attention à ce qu'ils disent. Mais non, on n'a rien à faire. Parce que c'est ça. Nous, je pense que c'est pas parce qu'une fille dehors, ou peu importe, une personne quoi, qui va sortir dehors... parce qu'elle ne veut pas donner ça, parce qu'elle est habillée comme ça, parce qu'elle fait ci, elle fait ça, ils devraient l'insulter. Il y en a, après, je ne vais pas dire que c'est mérité, mais il y en a qui, c'est sûr, ça ne les dérange pas. Donc, en soi, elles savent très bien, mais elles font pas des... elles n'essaient pas de corrompre, on va dire, la rumeur ou quoi, ça ne les dérange pas. Mais je pense que, d'un côté aussi, on est dans une petite ville et surtout dans les petites villes, il faut faire très attention. Personnellement, on fait beaucoup attention à ce qu'on fait, à comment on agit dehors, etc. Tout ce que c'est, quoi. Oui. Et tu disais, ils ont changé. Qu'est-ce qui a changé ? Par exemple, avant, on sortait avec certains au parc, on jouait avec eux, ils n'avaient pas d'arrière-pensée parce qu'on était petits et maintenant... on peut jouer avec eux, ils vont dire oui, non, mais non, elle a voulu ci, elle a voulu ça. Et ils balancent les rumeurs. Rien que, on faisait beaucoup d'activités avec eux. On allait au lac, à la piscine, on jouait au foot avec eux, on faisait du tennis, on faisait vraiment beaucoup d'activités. On faisait des barbecues, des pique-niques, on allait manger dehors ensemble, vraiment plein d'activités. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils ont des arrière-pensées en fait. À chaque fois qu'on va vouloir par exemple jouer au foot avec eux, bah, ils vont dire non, vous ne jouez pas avec nous ou quoi. Et alors qu'avant, on pouvait jouer à l'aise avec eux. Je pense que ce qui joue aussi beaucoup, c'est qu'ils ne peuvent pas balancer des rumeurs sur nous parce que nos mères connaissent leur mère. C'est-à-dire que ça remontera forcément à l'oreille de leur mère. Donc ça joue beaucoup, ça aussi. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour des problèmes? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qu'on n'a pas? C'est le tennis qui fait un truc qui... Tu veux nous dire pourquoi tu rigoles depuis qu'elle a dit tennis? Moi j'en ai fait avec Yamoula. J'en ai fait avec Yamoula. C'est faux. Si, je te jure j'en ai fait du tennis. J'en ai fait, vous ne me voyez pas. Je sais que c'est parce que vous ne me voyez pas jouer, mais je fais du ski, je fais du tennis. Je fais deux activités personnellement. J'ai fait du tennis, j'en ai fait. Je pense que c'est tout pour les problèmes. Ça concerne plus l'école. Après, il y a les problèmes entre copines. Oui, comme la plupart des problèmes, c'est moi et Inaya. c'est toujours nous qui nous disputons à chaque fois. C'est sur quoi tu veux raconter un exemple? Sur plein de trucs. Je pense que c'est parce que il y en a une qui va toujours avoir raison. Et du coup l'autre aussi. Et ça finit toujours en dispute quoi. Et comment ça se règle comment alors? Elle revient vers moi. Et on a dit on parle le soir. Je reviens pas. C'est juste que vu qu'en fait on est dans un groupe d'amis, on est obligé de se reparler parce que dans tous les cas on ressort ensemble à chaque fois et on se reparle naturellement. Et on est habitué à être ensemble. Ouais. On fait tout ensemble. On sort, on joue ensemble, on se croise au collège. Même quand il y a des sorties à faire et que c'est des sorties vraiment, des fois, par exemple, c'est juste moi, je veux sortir, que ce soit avec ma sœur, etc., je les appelle quand même, parce qu'on est habitué à tout faire et on a créé un lien, en fait. En fait, c'est ça qui est pas trop bien dans un groupe d'amis, c'est s'habituer trop à être ensemble et quand on veut sortir avec une personne, les autres personnes ne vont pas être contents et tout. Ça va créer de la jalousie, etc. Ouais. Vous êtes toutes dans le même établissement scolaire? Oui. Et vous, depuis quel âge vous vous connaissez à peu près? Petite section. Moi et Inaya, on se connaît depuis la petite section parce que nos mères, elles étaient copines. Moi et Nawel, on se connaît depuis la maternelle. Et ensuite, tout ensemble, Il y a Asma qui est arrivée d'Italie. On l'a connue ensemble. En CM2. Oui, CM2. En CM2. On se fréquentait pas trop. On s'aimait pas. Oui. En CM2, on s'aimait pas du tout. Début 6e, Asma, elle est venue dans la classe à Inaya et moi. Elle est venue dans notre classe. Elle parlait beaucoup avec Nawel au début. Et ensuite, au fur et à mesure, on s'est mélangés et on est devenus proches. Okay. Est-ce qu'on tire notre papier? Oui. Profiter? En étant adolescent, on profite beaucoup. Parce que je pense que ça a un rapport avec l'amusement, ça se rapproche beaucoup. On profite, on peut organiser beaucoup de sorties ensemble, on peut sortir quand on veut, rentrer à peu près l'été surtout, parce qu'il ne fait pas ni trop tard quand on veut. Et voilà. des fois, profiter, ça a un autre sens. Quand on dit je profite du système, ou il profite de moi, ou... Non, c'est pas dans... Nous, on ne voyait pas trop dans le sens. Bah, profiter parce qu'on ne pourra pas faire la même chose maintenant que plus tard. Parce que bah, plus tard, on sera grand. Puis là, on est petit, donc on fait des trucs qu'on ne pourra pas faire plus tard. Quoi. Qu'est-ce que tu ne pourras pas faire plus tard ? Moi, je pense que j'ai un exemple. Par exemple, plus tard, peut-être qu'il y en a une qui aura ses études à gérer à l'université. Peut-être qu'on va déménager, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On va déjà rien que l'année prochaine, on passe au lycée. Certaines, on est dans des lycées différents l'année prochaine, donc rien que là, ça va casser un peu. Et on ne pourra plus faire, par exemple, il y a beaucoup d'activités que là, on fait, bah, qu'on ne pourra plus faire quand on sera grand. Du coup, c'est pour ça qu'on essaie de profiter au maximum maintenant, de ne pas trop se prendre la tête pour tout et n'importe quoi et de profiter. Quoi. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire encore sur ça ? Non. Allez, qui veut tirer un papier ? Stress. Je pense que c'est aussi le stress, par exemple, bah, des cours. On sort, mais en même temps, il y a toujours les cours à côté, on révise et tout. Bah aussi, le brevet à la fin de l'année, ça stresse beaucoup. On stresse. Parce que on voit qu'on n'est plus en primaire, ça ne blague plus, on est passé à une étape supérieure. On a des examens, on a, comme on a dit Nawel, le brevet. Ensuite, on stresse parce que, comme on disait tout à l'heure, par rapport aux réputations, etc., puisque maintenant, bah, on est adolescente, on va dire, on fait vraiment attention à ce qu'on fait, donc ça met une partie de stress. On stresse pour les problèmes familiaux, peut-être. Et voilà. Je la remets là. Ouais, il y a d'autres sources de stress ? Non. Et l'année prochaine, vous savez tout ce que vous faites ? Oui. Vous avez des idées ? Moi, j'ai des doutes parce que j'ai envie d'aller, par exemple, en générale, mais quand je vois que c'est déjà assez compliqué la troisième, je me dis que la générale, ça va être plus compliqué. Du coup, bah, ça me freine un peu. Moi, je pense que qui ne tente rien n'a rien. Mais après, oui, on va essayer. Moi, je pense aller en générale, mais pareil. Je sais pas si je vais pouvoir m'accorder cette chance parce que c'est vrai que là, la troisième, ils nous mettent beaucoup la pression. Ils nous déstabilisent beaucoup. Ils nous démotivent un peu des fois en nous disant que si vous travaillez vraiment mal, vous n'allez pas mériter d'aller en général ou quoi. Mais c'est pour nous réveiller, je pense. Mais l'année prochaine, moi, personnellement, je vise aussi d'aller en général. Après, ça décourage quand ils nous disent ça, parce que, bah, je sais pas, moi, ça me décourage. Hein. Après, ils rabaissent, c'est rabaissant, des fois, ce qu'ils disent, peut-être qu'ils se... Enfin, qu'ils se rendent pas ouais, compte. Ouais, qu'ils se rendent pas compte, mais voilà. Bah, moi, c'est pareil que Nawel et Basma. Moi aussi, pareil que Basma et Nawel, mais les remarques des professeurs, ta dose de moyenne, tu pourras pas aller en général, ça freine beaucoup. Moi, je suis un peu pareil que Noël. Je sais pas si je veux aller en général, mais je vois plusieurs personnes se plaindre et tout, parce que c'est trop compliqué. Et aussi, bah, y a beaucoup de profs qui prennent à part les élèves et qui leur disent « Toi, ce sera pas possible que tu ailles en général. » Et c'est rabaissant. C'est bon ? Oui. Difficultés. Moi j'ai des difficultés, mais c'était par rapport à tout à l'heure, enfin sur le harcèlement et tout. Enfin après on a déjà parlé, mais j'avais mes difficultés pour parler de ça. Les difficultés d'en parler ouais, ou de s'en sortir. Les réseaux sociaux. Je pense qu'il n'y a pas trop de trucs à dire sur ça. C'est surtout, on a les réseaux sociaux. Plusieurs. Vous avez tous là, les réseaux sociaux ? Oui. Oui. La plupart des adolescents, ils ont les réseaux sociaux. Ça peut être dangereux, mais ça peut aussi être. Bénéfique. Oui. Mais on doit faire attention à ce qu'on poste dessus aussi. Ça peut nuire. Ouais, voilà. C'est quoi les bons côtés des réseaux sociaux ? Parler avec les amis. Ça fait passer le temps. Ouais, voilà. Ça fait. Ouais. On échange beaucoup, on rigole beaucoup grâce au réseau. Ouais. Grâce au réseau, on peut faire beaucoup de choses. On s'ennuie pas, en fait. Oui. Est-ce qu'on peut lister les réseaux, les différents réseaux, et chacune vous dites comment vous vous en servez ? Ok. Ok. Alors, c'est toi qui as fait une liste tout à l'heure ? J'avais donné Twitter, Instagram. Alors, Twitter, comment vous vous en servez ? Personnellement, je ne l'ai pas. Twitter, en fait, on n'a pas, mais quand je vois que tout le monde reposte des publications de Twitter sur Instagram, c'est un réseau super toxique. Ouais, c'est vraiment... parce qu'ils mettent vraiment tout. À la seconde, il y a la moindre actualité qui va sortir des influenceurs qu'on suit, par exemple. Même des vidéos qu'on ne peut pas trouver sur Instagram, qui sont vraiment... Des vidéos qui sont de pas censurées. Ouais, voilà. On les retrouve sur Twitter. Sur Twitter, oui, par exemple, il y a quelqu'un qui va poster quelque chose, mais il se rend compte que c'est quelque chose de mal, il supprime. 2 secondes plus tard, il y aura déjà des republications sur Twitter. Donc c'est pour ça qu'on préfère pas avoir... On a le strict minimum. Vous connaissez le hashtag MeToo ? Non. Non, on en parlera après. Si vous voulez. D'accord. Ensuite, il y a TikTok. TikTok, c'est notre meilleur réseau, je crois. Alors, oui, ça sert à quoi ? Vous faites quoi sur TikTok ? On fait des TikTok, on regarde des TikTok. Ouais, mais il y a plusieurs types. Des danses, des playbacks, des vidéos humour. Oui, voilà. Des lives. Ouais. Des lives, c'est une personne que vous suivez qui se filme en live ? Oui, voilà, en direct. Oui. Ouais. Pas tout le temps. On peut aussi avoir un peu tomber dessus, mais ouais, c'est. Ouais, sur TikTok, c'est grave bien parce que on peut faire des playbacks, etc. Et du coup, surtout que c'est beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de tendances sur TikTok, on peut retrouver beaucoup l'actualité. Des trucs qui sont sur Instagram, on va les retrouver sur TikTok. Et sur TikTok, on trouve de tout. On peut retrouver Brut, par exemple. On retrouve vraiment toutes les actualités. On peut retrouver même des politiciens. Macron, Jean-Luc Mélenchon, même Marine Le Pen. On retrouve plein de choses. Et je pense que d'un côté, il peut nuire. TikTok, ça peut nuire. Les commentaires méchants et tout. C'est un peu pareil. En fait, tous les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est peut-être bien, mais derrière, il y a quelque chose de mal. Les commentaires. TikTok, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins toxique que Twitter, mais ça peut vraiment être mal aussi. Par exemple, il y a quelqu'un qui va publier une vidéo directement, quand on va dans les commentaires, il y aura des critiques. Il y aura toujours des critiques. Il va pas forcément peut-être plaire aux autres. Peut-être à des moments, dans des vidéos, il y en aura un tout petit peu, mais dans des vidéos, il y en a beaucoup plus. Ouais, mais en fait, parce qu'il va pas forcément plaire aux autres, et du coup, ils le disent, mais en mal. Ça sert à rien, mais... Aussi, sur TikTok, surtout quand c'est les périodes... Par exemple, là, c'est la période de la CAN. Il y a les équipes de foot Algérie, Maroc, Tunisie qui jouent. Ils se rabaissent beaucoup sur les réseaux. C'est limite, des fois, On dirait vraiment qu'on est sur Twitter. C'est pour le jeu. Et des fois, on dirait qu'on est sur Twitter. Comme un exemple, il y a une fille qui a tweeté « On a perdu le compte des esclaves ». Ouais, ça, c'est pas méchant. C'est méchant. Ça, malgré que nous-mêmes, il y a des Algériennes dans le groupe, bah, on tolère pas ça. C'est choquant. On tolère pas et ça se fait pas. Vraiment, ce qu'elle a dit, c'était grave. Et ça a reposté sur TikTok, etc. C'était trop grave, ce qu'elle a dit. Quand vous faites des vidéos ou des playbacks, vous faites plutôt en groupe ou plutôt toute seule? Ça dépend. Quand on est ensemble, on fait en groupe, mais quand on est chacune chez soi, on fait toute seule. Mais on publie pas. On publie pas. Ouais, on garde en brouillon. Et aussi, quand on fait seul, on aime bien se le montrer comme ça quand on est ensemble. Et aussi, pour reprendre ce qu'elle a dit à Nawel, elle a dit que quand on n'aimait pas, par exemple, la vidéo, on le montrait, mais sous un mauvais angle, alors que non. Il y a une touche sur TikTok pas intéressée. Tu cliques et ça revient. Il y en a qui ne connaissent pas, je crois, parce que... Il y en a, ils ont beaucoup leur avis, mais vraiment mal. On n'a pas demandé. Après, on préfère garder nos vidéos en brouillon, parce que moi, je ne pourrais pas tolérer les commentaires méchants. Oui. Après, il y en a, ils tolèrent ça, mais moi, je n'aime pas, j'arriverai pas. Je pense que moi, personnellement, s'il n'y aurait pas eu cet acharnement ou quoi, qu'on voit sur certaines personnes, j'aurais posté. Ça ne m'aurait pas dérangé. Mais en plus, c'est pour un rien, en fait. Ils vont trouver quelque chose pour critiquer, même s'il n'y a rien. Ensuite, on passe notre temps sur